Alors, nous sommes maintenant en direct de nouveau depuis la fonderie. Est-ce que tout le monde m'entend? Parce que nous sommes autour de la table, donc à la fonderie, avec Yvan de l'ESAT de Marsoulan et l'émission ESAT La Quotidienne. Vous me faites un petit signe avec le pouce si vous m'entendez bien. Nous sommes en communication avec l'ESAT. Voilà, là vous m'entendez? Ouais. Allô? Allô, les hâtes de la porte de Champéret? Oui, les turbulents, vous pouvez répondre, vous êtes là, ils vous entendent. Bonjour, turbulonaire. Vous êtes en direct en liaison avec la fonderie du Mans. Oui, c'est Yvan qui vous parle. Pour vous dire que vous êtes, il est aussi autour de la table avec nous. On vient de passer 2 heures d'émission de ESAT La Quotidienne et on est très content de vous retrouver pour cet après-midi en compagnie de Turbulonaire. Oui, c'est nous. Est-ce que vous pouvez nous dire où vous êtes alors? Ça fait rire. Où est-ce que vous êtes installé à l'ESAT? Vous entendez? Alors, on a un petit problème, le son n'est pas très fort pour nous, faut juste qu'on... D'accord. J'essaie juste d'arranger ça. Nous, on vous entend très bien. Le son, tu m'as... Vas-y, tu peux nous reparler de oui, oui, là, tu m'entends mieux? Ah, parfait. Super, c'est parfait. Ok. Où est-ce que vous êtes installé à l'ESAT? Dans une salle de repos. C'est une salle de repos à Turbulence. Ok. Dans une salle de nombreuses salles. Je vous l'ai décrit un peu, vous passez bon. Alors, moi, j'ai eu la chance de venir 2 fois vous voir parce qu'on a proposé que vous fassiez une émission. Enfin, on est venu vous rencontrer d'abord à Encore Heureux pour que vous participiez à ces radiophonies. Et je suis venu avec Olivier pour parler de ce projet de radiophonie avec différents groupes radio de différents lieux, que ce soit des ESAD, des foyers, des hôpitaux de jour. Et donc on est venu à 2 reprises, la première fois avec Olivier et moi tout seul, pour un peu échanger sur un travail qu'on voulait vous proposer. Et donc vous avez préparé 2 heures d'émission qu'on va écouter dans quelques instants. Voilà, et auquel vous avez tous participé, chroniqueurs de Turbulonaire, à savoir Abaraco, Geeker, l'Astipoète, le Déambulateur, Torpille, le Professeur, Maestro, Maître Bao, Monsieur Trop de la Chance, Mentalix, Sétor. Il est pas là, Maître Bao. Voilà, et je sais que Maître Bao et Monsieur Trop de la Chance sont pas là aujourd'hui. Mais on entendra dans les chroniques, dans le montage, en fait, vous avez fabriqué un montage, parce que d'habitude vous faites beaucoup des chroniques, mais on en parlera peut-être après. Beaucoup de gens ont participé, et une des particularités, on en parlait ensemble la dernière fois, c'était aussi que parmi vous, et je pense à l'Astipoète, à Baraco, au Geeker, s'occupent aussi du montage. Donc c'est un montage que vous avez fait durant 1 mois, depuis notre visite fin avril. Voilà. Absolument. C'est ça? C'est ça. C'est bien ça. Et donc là, c'est 2 heures d'émission qui ont été montées sur 3 jours de travail avec l'ensemble de l'équipe. Ouais. Hein, n'est-ce pas? On a fait 3 jours de travail, on a resélectionné. Ah non, vous savez qu'on vous entend. Ouais. Direct, hein. On a travaillé pendant 3 jours à sélectionner les chroniques, préparer aussi des petites émissions un peu spéciales que vous écouterez à la fin, et faire le montage de tout ça donc avec l'Astipoète, Geeker et Abaraco. Mais l'ensemble de l'équipe des chroniqueurs a participé à cette émission. Voilà, c'est ça. Mais certains de nous, ça c'est un petit peu ce que je vais émettre un petit peu, mais on l'a fait aussi. Certains de nous étaient venus à la fonderie avec Fantasio pour... Oui. J'y étais, Thomas. J'y étais. J'y étais. Mais ça peut être un disque. Un disque Cosmic Brain également. Il y a de ça 5-6 ans. Tout à fait. À peu près 6 ans, à peu près. Il y a 6 ans. La fonderie nous avait accueilli. Tout à fait. Et c'est pour ça que tout à l'heure, en début d'émission de matinée, on a passé un extrait du disque Cosmic Brain, Yvan de Radio Ezat La Quotidienne a mis un extrait. On a le vinyle avec nous et peut-être qu'on en remettra un morceau après avoir discuté vers 15h30, après avoir écouté l'émission. Quel extrait vous avez mis ? Alors là, on a écouté le premier morceau de la première de la face A. Voilà, donc on a Luffy à Bombay, Embrouille à Mini. Voilà. Mais comment vous faites pour passer les CD la disque ? Alors les disques, en fait, d'ailleurs, ça me permet de dire un peu qui est autour de la table, puisqu'il y a des gens du collectif Encore Heureux, Claudie, Leïla, Linda, Ellie, moi-même. Il y a également des gens de Ezat La Quotidienne. Et autour de la table, ça c'est maintenant nous a rejoint aussi Stéphanie, il y a aussi Jean qui travaille à la fonderie, et Leïla, et d'autres personnes qui nous écoutent et qui vont écouter l'émission cet après-midi. Et on a aussi sur une grande table ronde, là vous ne le voyez pas, mais des disques, des vinyles, et puis on a une platine dont on s'est servi hier pour passer des disques. Voilà, tout simplement. Est-ce qu'on ne lancerait pas l'émission pour se garder du temps, pour parler après ? Je crois que Yvan est prêt pour lancer l'écoute de ce que vous nous avez préparé et on se retrouvera après l'émission. Vous allez entendre un coup de gong et ce sera le démarrage. Nous sommes ravis de passer 2 heures d'émission avec vous. Bienvenue dans l'univers de notre radio Turbulon Air, tout spécialement pour le collectif Encore Heureux et son festival radiophonique. Durant ces 2 heures, vous allez découvrir les publicités détournées de Mentalix, de l'actualité sportive, un brin de culture, des instants poétiques, des bribes d'un voyage au Brésil de Maestro, votre horoscope de l'été pour vous préparer et des hommages. Mais ce sera l'occasion aussi de découvrir notre série Hors les chapiteaux, créée pendant le confinement pour nous permettre de nous retrouver et de garder ce lien si fort et si précieux. On va parler aussi du voyage, comment s'évader avec une émission spéciale Balade en forêt, avec pour s'évader avec les bruits, les anecdotes de tous les chroniqueurs. S'échapper le temps d'un instant en forêt, entendre le bruit des oiseaux ou marcher sur un escargot. Il en va d'anecdotes plus ou moins lointaines, se rappeler, se remémorer ces bons moments, ces voyages qu'aujourd'hui nous ne pouvons faire. Finalement, nous voyageons toujours, même pendant le Covid. Je vous l'invite à ne pas louper cette émission et à suivre ça intensément, parce qu'il y aura du lourd, il y aura du fort, il y aura un menu chargé, cadencé dans une émission unique de la radio Turbulon Air. Nous espérons que vous passerez un très joli moment. Belle écoute à vous. Turbulon Air est une web radio maison sans fioritures, faite de simples bricolages. Un bel outil d'expression et de communication, avec peu de moyens, mais néanmoins, avec une réelle motivation à transmettre la parole des turbulents. Mais qui sont les turbulents ? Des personnes atypiques. Des artistes. Mais pas tous. Des batoukadis. Des chanteurs. Des percussionnistes. Des écrivains. Des informaticiens. Des graphistes. Des cuisiniers. Des serveurs. Des chroniqueurs. Des travailleurs handicapés, présentant des troubles du spectre autistique, qui travaillent porte d'Anières dans le 17e arrondissement de Paris au chapiteau turbulent. Mais c'est quoi, chapiteau turbulent ? Les chapiteaux turbulents ont été créés en 2007 dans le cadre de l'association Turbulence, elle-même créée en 1992. Les chapiteaux turbulents, c'est un ESAT. Établissement et service d'aide par le travail. Et un SAS. Section d'adaptation spécialisée. On y trouve 5 pôles d'activités principaux. Art vivant. Communication et multimédia. Cuisine et service en salle. Couture et à plastique. Oh, chier maintenant. Mais alors, Turbulon Air, c'est quoi et c'est qui ? La web radio a été créée à l'initiative d'une éducatrice travaillant au chapiteau en 2016. Ce support radiophonique a été créé pour donner un nouvel espace de parole aux turbulents et pouvoir parler de différents sujets qui tiennent au cœur des chroniqueurs qui ont voulu faire partie de l'aventure. Beaucoup de sujets y sont abordés. Du sport à la poésie, de la politique au cinéma, en passant par la musique ou la culture. Une douzaine de chroniqueurs constitue la joyeuse équipe de Turbulonaire. Le déambulateur. C'est tort. Le professeur. Monsieur Trop de la Chance. Abaraku. Geeker. Mentalix. Maestro. L'Astipoé. L'Éclair. Maître Bao. La Tortue. Kiwi. C'est parti pour 2 heures d'émission, immersion radiophonique, en compagnie de chroniqueurs atypiques. Mais pour commencer, retrouvons-nous après une page de publicité. Bonjour, ici Mentalix pour une nouvelle chronique. Page courte, payez, vous verrez. La page courte, j'écoute. Bonjour, je voudrais un agent immobilier dans le Val-de-Marne pour acheter un terrain de golf. Désolé, monsieur le sportif, le golf n'est plus à la mode depuis 3000 ans. Mais si tu veux, je peux te trouver un ancien cimetière à l'abandon. Avec la page courte, la solution, c'est pas nous. Nous, à Turbulence, on gère la distance. Alors pour ce premier podcast hors les chapiteaux, petit moment sonore en remède à la solitude, nous avons récolté des pensées, des instants de vie au foyer, des conseils de films ou de musique, des rires, des chansons, et même une recette gourmande. Et y a quelqu'un ? Non, y a personne. Ah bon ? Moi j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre. On va avoir le temps d'aimer, justement. J'ai envie d'aller voir de... regarder, de m'offrir le temps de me taire. T'aimes pas notre vie? Tu l'aimes, toi, notre vie? Comment ça? Ça, j'ai envie. Ça s'appelle la liberté. Un face-à-face, d'accord? Oh, quelle histoire! Mais moi tout seul. Le zouk pas collé, pas serré, c'est ici? C'est à quelle heure? C'est dans le jardin, non? Oui, c'est pas ici? Ah, bah, apparemment, c'est pas ici. Qui veut devenir champion de kart. Et il découvre une passion pour le karting et il veut gagner le championnat national. Je crois, comment je pourrais expliquer le film. Il essaye par tous les moyens d'y arriver. Tout ça, il demande à un ancien champion de l'entraîner, à une spécialiste de la. Une senior. Une fille qui a survré au niveau de la mécanique, tout ça, de lui construire un kart, tout ça. Et il essaye de devenir un champion de cartes. Ok, trop bien. Et toi, tu nous conseilles, il faut qu'on retrouve le nom, c'est sur Netflix, ouais, c'est ça? Ouais, c'est sur Netflix. Ouais. Si belle. Attends, j'ai vu le film. J'ai vu, elle là? Ouais. Je l'ai vu. Elle siffle. Je l'ai pas aimé du tout, moi. Non. Ok. Moi, j'ai déjà vu Si belle dans Canal Advance. Oui. Donc Vanessa et Julien, vous nous conseillez de regarder Si belle. Peut-être. Ah ouais. Soit peut-être sur la peut-être la belle à la bête, quoi. Mes chers amis turbulents, vous savez que je pense à vous malgré le coronavirus. On a décidé de rester chez soi, comme ils disent le gouvernement de la République française. Si le coronavirus disparaît et qu'il n'y aura plus de virus, vous pouvez éclater de la joie, la bonne humeur, de l'émotion et beaucoup de porte-bonheur. Pour la liberté, égalité et la fraternité, vous félicite à tous. Et vous pouvez faire la sortie pour aller n'importe où où vous voulez, pour les encourager avec les hommes, femmes, enfants, adolescents, adultes et les personnes âgées. Lavez-vous les mains, utilisez vos mouchoirs et jetez dans la poubelle et puis lavez-vous les mains avec le savon ou sinon hydroalcoolique. Et mettez vos masques et les gants en plastique. Vive la France, Paris et Turbulent. Oh là, ça tue les doigts là. Des cordes métal comme ça. Là. Bah, j'espère que tout va bien. Là, on est pas difficile. C'est dur pour nous, mais on va sortir très bien. Il va rester 15 jours au foyer là. Donc, allez Paris, histoire qu'il faut gagner ce plastique. Bonjour Stéphane et Maya, c'est Pierre. Donc, je vous donne la recette du gâteau à la poire. Alors, je suis pas très doué avec ce genre de choses d'enregistrement, mais bon, on y va. Donc, vous prenez un stylo, une feuille de papier, et c'est parti pour les ingrédients. Il faut au moins 5 belles poires que vous allez éplucher, laver, éplucher, détailler. 100 g de sucre en poudre, un jus de citron, 3 œufs, 120 g de sucre, 150 g de farine, une cuillère à café de levure chimique, 150 g de beurre, une pincée de sel. Alors pour la préparation, vous allez faire un petit caramel avec les 100 g de sucre et le jus de citron. Et un petit peu d'eau, et surtout vous remuez pas, vous laissez blondir. Ensuite, vous coulez ça au fond du moule qui a été précédemment beurré, évidemment. Vous découpez vos poires et posez vos poires au fond du moule. Vous préchauffez le four à 180, mais ça c'est en début de recette. Dans un saladier, travaillez 3 œufs avec 125 g de sucre, et on ajoute la farine et la cuillère de levure. Et 150 g de beurre fondu, une pincée de sel. On mélange tout et on recouvre les poires. Sans four, on a 180. Vous faites cuire 45 minutes, vous surveillez surtout. Et vous démoulez, vous laissez au moins 5-10 minutes que ça se refroidisse. Vous démoulez et vous allez déguster. Et ben voilà, c'est un premier essai et on refera si ça vous plaît. Ciao. Je pense à tous les collègues qui sont chez eux. C'est leurs parents, dans leur foyer. Je pense en général à toutes les personnes qui sont dans la difficulté. Je pense aux gens que je ne vois plus depuis quelque temps, en espérant très vite les revoir. J'espère pouvoir vite rigoler avec eux. De ce moment pénible pour tout le monde, peut-être qu'on ressortira plus fort. Peut-être qu'on sera solidaires les uns les autres dans l'adversité. Qu'on affrontera tout ça ensemble à distance. Nous allons vivre des moments difficiles. Mais malgré tout, j'espère que ça reprendra comme avant, mieux qu'avant. la vie reprendra dans la soie et le sport. Bonjour amis turbulents, j'espère que tout le monde se porte bien. Les ondes de la web radio sont grandes ouvertes et j'en profite pour m'immiscer et vous proposer une courte rubrique dédiée aux proverbes du monde à méditer. Commençons par un petit proverbe chinois. L'arbre renversé par les vents avait plus de branches que de racines. Et tout ce que ça fait, quand vous me montrez tout ce que ça fait, vous me demandez. Oh! Ma devi barca insieme, oh! Non un gommone! Tra la barca, tutti due! Quindi come in barca! Deve una sopra lei. Allora insieme. Cosa lascia per te lì? Si deve tutti seul. Ça marche pas. C'est pas qui décide. C'est mon père qui décide. Ça marche pas. C'est bien ma chambre, hein? Ouais, elle est cool, hein? C'est bien, hein? Mmh. Et là, c'est quoi? C'est lourd. Regarde. Elle est tournée. Elle est douce. C'est beau, hein. C'est beau, moi. Voilà. Un second proverbe yiddish. Pour tomber, on se débrouille seul. Mais pour se relever, la main d'un ami est nécessaire. Et enfin, le dernier proverbe du jour, provenant de Chine, une parole du cœur tient chaud pendant 3 hivers. Voilà pour aujourd'hui. D'ici là, restons solidaires et attentionnés et n'oubliez pas, au bout de la patience, il y a le ciel. À bientôt. Attention, ne bougeons plus. 1, 2. Merci beaucoup. La malvoyance peut vous faire des incidents involontaires. Soyez prudents. Nous vous laissons avec le professeur. Bonjour, ici le professeur, voici votre horoscope de l'été. Bélier, vous allez rencontrer des millions de femmes. L'une d'entre elles vous fera flasher. Travail, votre patron vous appellera pendant vos vacances. Santé, bougez dès que vous en avez l'occasion. Les taureaux, amour, vous aurez 30 dames autour de vous. Travail, vos primes seront de 0,80€. Santé, restez immobile. Gémeaux, amour, vous avez un animal de compagnie pour vos vacances. Travail, votre collaborateur ou collaboratrice vous laissera tomber. Santé, buvez le plus d'alcool possible. Cancer, amour, vous inviterez plein de sirènes. Travail, votre patron vous fera travailler pendant vos vacances. Santé, restez au lit le plus possible. Lion, amour, si votre mari ou femme vous embête, vous sortirez vos cornes. Travail, votre téléphone sera débranché pendant vos vacances. Santé, faites la fête dès que vous pouvez. Vierge, amour, vous serez tout seul pendant 1 mois. Votre patron part en vacances, mais ne vous laisse aucun travail. Santé, débrouillez-vous. Balance, amour, vous direz je ne sais pas, quel que soit le sujet de discussion. Travail, une prime de 50 centimes vous sera versée. Santé, restez tranquille. Scorpion, amour, vous serez avec votre femme toute la journée. Travail, vous serez à la retraite à 30 ans. Santé, soyez le moins calme possible. Sagittaire, amour, vous allez déserter votre chez-vous pendant 3 jours. Travail, aucun travail ne vous sera proposé. Santé, soyez le plus feignant possible. Capricorne, amour, vous fêterez l'amour de votre chérie une fois tous les 3 ans. Travail, vous irez travailler une journée par mois. Santé, vous bougerez tout le temps. Verseau, amour, vous êtes double tête. Votre partenaire appréciera. Travail, votre entreprise sera fermée. Santé, soyez tout le temps calme. Poisson, amour, vous aurez toutes les dames autour de vous. Travail, votre patron vous fera crouler sous le travail. Préparez-vous. Santé, soyez fort. Préparez-vous psychologiquement. J'espère que vous avez tout compris. Sinon, redemandez-moi et je vous dis à bientôt pour un autre horoscope. De l'horoscopie à la poésie, il n'y a qu'un pas à faire. Petite leçon d'inspiration par le déambulateur dont nous vous laissons apprécier le podcast. Mmh. Bonjour, c'est le déambulateur pour une nouvelle chronique de l'instant poétique. Aujourd'hui, je vais vous lire un poème d'Antonin Artaud de Suppôt et Supplication. Entre le corps et le corps, il n'y a rien, rien que moi. Ce n'est pas un état, pas un objet, pas un esprit, pas un fait, et encore moins le vide d'un être, absolument rien d'un esprit ni de l'esprit, pas un corps, c'est l'intransplantable moi, mais pas un moi, je n'en ai pas, je n'ai pas de moi, mais il n'y a rien que moi et personne. Pas de rencontre possible avec l'autre, ce que je suis est sans différenciation ni opposition possible, c'est l'intrusion absolue de mon corps partout. Maintenant, je vais vous lire un poème inspiré de cette lecture. Il n'y a rien dans le néant, je ne pense qu'à moi, c'est un état d'esprit, un souffle, une lumière, un geste, pas de rencontre aléatoire, absolument néfaste, plus aucun sens à être ensemble, je n'ai pas de chez moi, je me sens mal à l'aise, je n'ai plus d'espoir, le doute est en moi, je n'avance plus, c'est un corps étranger dans mon corps, je ne sais plus quoi penser de la vie. Merci de m'avoir écouté, à bientôt. Merci au déambulateur. Alors donnons maintenant la parole au geeker avec un hommage à Roger Carrel et de toutes les voix qu'il a incarnées. Ici Geeker pour un nouvel hommage pour Roger Carrel. Depuis ses 60 ans de carrière, il est engagé dans les pièces de théâtre, les films, les séries télé, les feuilletons radio. Il a doublé Peter Sellers et Peter Ustinov. Il fait la voix de C-3PO des Star Wars. Il est la voix de Chaplin du Dictateur. Il est la voix de Benny Hill. Il est la voix de Hercule Poirot. Il est la voix de Kermit des Muppets. Il fait la voix de Alf. Il fait la voix d'Astérix. Il est la voix de Maestro de la saga Il était une fois. Dans les Disney, il fait la voix de Winnie l'ourson, Porcinet et Coco le lapin. Dans le livre de la jungle, il fait la voix de K. Il est Bernie dans Bernard et Bianca. Il fait la voix de Jimmy Cricket de Pinocchio. Il a fait la voix de Chester de Alice au pays des merveilles. Il est Basil dans Basil, détective privé. En 1970, il fait la voix de Mickey Mouse. Il est la voix de Révérend Gene Purdy dans Dead Zone. Il est le Révérend Syke dans Desperate Housewives. Il est la voix du Révérend Duncan McGee dans La Petite Mosquée dans la Prairie. Il est la voix de Führer dans Le Souffre de la Guerre. Il est la voix de l'Armoire dans Marotte et Charlie. Il est William Bill Gumble Senior dans Normal, Ohio. Il est Colonel Crittenden de Papa Schultz. Il est Brandon Brindle de La Petite Merveille. Il est le boss Rogue dans Le Shérif, Fais-moi peur. Il est Chester Tate de Soap. Il est Bolzar de Xor. Il est la deuxième voix de Alfred dans Albator. Il est Basil de Babar. Il est Grand Guillemot et le Soleil dans Charlotte aux Fraises. Il est Professeur Hampton dans Chris Colorado. Il est Darmotus dans Danger Mouse. Et les Isidore des Entrechats.

Maintenant, déroulons le tapis rouge pour l'émission cinématographique de Setor. Bonjour, je m'appelle Setor. J'ai fait une chronique sur un film qui s'appelle Les Misérables, réalisé par Ladji. C'est un film français. Il a fait au box-office du 8,9 millions d'entrées. Et elle a reçu le prix du cinéma européen. J'ai découvert le prix Philippe Presse, le prix du jury au Festival de Cannes et celui du meilleur espoir masculin. Il est sorti le 20 novembre 2019. Pour vous parler un peu de l'histoire, Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la brigade anticriminelle de Montfermeil, dans le 93. Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Wada, deux baqueux. Il découvre rapidement les tensions qui règnent dans le quartier. Le rôle dans le film, c'est Damien Barnard joue Stéphane, Alice Manner joue Chris, Safer joue Sofre, Issa Prédica joue Issa, et Seven joue Jensu, le maire. Bon, Pinto, ici on est au Bosquet, je sais pas si t'en as déjà entendu parler, mais à l'époque on rentrait pas, c'était la plus grande plaque tournante du stupéfiant. Il y a eu le shit, la coke, et l'héroïne qui a ravagé tout le quartier. Tous les anciens sont morts. Ok. Et puis t'as eu les frères Mus qui ont nettoyé le quartier. Frères musulmans ? Ouais, la BAC. La BAC ? Comment ça, la BAC ? La brigade anti-cam. C'est comme ça qu'on les appelle ici. Par contre, on a un nouveau fléau, c'est la prostitution, tenue par les Nigérians. Ils louent des appartements à 400 euros. T'as des prostituées pour 20 euros, 10 euros, c'est devenu normal. Tu peux te faire sucer pour 2 euros ? T'as 2 euros sur toi ? Les Misérables était un super film qui parle des jeunes des banlieues. Ils sont dans la merde et personne ne veut les écouter. C'est pour ça qu'ils brûlent les voitures, pour se faire entendre aux grandes instances de Paris. Je me suis reconnu à travers ce film, qui a eu un succès et une récompense. Ce sont des jeunes qui sont en phase avec la société actuelle. Ils ont besoin de repères. Ce sont les enfants qui mènent la danse. Si vous avez l'occasion d'aller en banlieue, vous verrez que ce n'est pas évident. Aujourd'hui, le monde change. C'était les grands frères qui menaient la danse. Maintenant, ce sont les petits frères. Pour que le monde tourne de ses cendres, il faut qu'il soit complètement détruit. Ensuite, on pourra revoir le monde sous une autre direction, avec de nouvelles valeurs. Nous pourrons aspirer à un monde meilleur et ce jour-là pourra vivre dans un monde fantastique. Merci. Retrouvons-nous sur la piste du Paris-Roubaix avec notre journaliste sportif survolté, La Torpille. Et rappelez-vous, le caoutchouc protège contre l'électricité. Les cyclistes vont à grande vitesse. Sur le pavé de Paris-Roubaix, les coureurs souffrent pour y arriver, subissent les tremblements des pavés, s'accrochent à leur guidon, le poing serré, les pavés sont glissants, des chutes, des gamelles, des accidents. Il a laissé sa vie, il a laissé son corps sur le pavé, un petit peloton se détache, serré les cinq coureurs le sautent, la foule en délai. Ouais, les s'empêchent d'avancer, les obligeant parfois à mettre pied à terre. Ils sont sales, la peau râpée, égratignée, en sueur. La course la plus dure au monde, passionnante à regarder. Un dernier effort intense pour arriver à la victoire. D'autres ont abandonné pour ceux qui ont tout donné. C'est l'impression d'avoir vécu une épopée. Une aventure humaine intense, mais intense. Ils pédalent comme des fous. Le jour où il y aura des accidents, il faudra pas se plaindre. Reprenons notre souffle avec une courte page de publicité. un bonbon toxique, une odeur à tuer pour une haleine fétide. Un toxine naturellement présente qui vous fera changer de personnalité. Goûtez dès aujourd'hui nos nouvelles soucoupes Eternity. Toxico, c'est bon la vie pour les trafiquants et les vermines aussi. Affaire exceptionnelle, pour deux paquets achetés, un cercueil offert. Maintenant, écoutons de nouveau un enregistrement réalisé lors d'une premier confinement. Il y a quelqu'un ? Non, il n'y a personne. Ah bon ? Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre. On va avoir le temps d'aimer, justement. J'ai envie d'aller voir, de regarder, de m'offrir le temps de me taire. T'aimes pas notre vie ? Tu l'aimes, toi, notre vie ? C'est bon, ça. Ça, j'ai envie. Ça s'appelle la liberté. Un face-à-face, d'accord ? Oh, quelle histoire ! Mais moi tout seul. Oh Marie, si tu savais, tout le mal, tout m'a fait. Oh Marie, si a trouvé, oh la veux, je disparais. Surlimé, je suis le sang. Oh Marie, si a... Confinement. Si c'était un gâteau, ce serait le pudding. Bonjour mes chers turbulents, je suis à la maison, tout se passe bien, j'enregistre, j'ai joué le piano de Robbie Williams et j'ai joué le piano, j'ai encore rêvé d'elle de Richard Conney et ton héritage de Benjamin Biolay, c'est un mauvais garçon, la joie bleue, surprise partie, Pierre-Yves Guinguette. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire. À n'avoir que toi l'horizon et te connaître de saison. Oh, que l'heure que par la douleur du partir. Aimer à perdre la raison. Confinement, si c'était une musique, ce serait la Marseillaise. Ah, c'est toujours toi que l'on blesse, c'est toujours ton miroir brisé. Pour bonheur, ma faiblesse, toi contre la suite, ton délaisse, dans toute que j'ai martyrisé. Il faut se dépenser pour combattre le coronavirus. J'adore faire la cuisine et faire de la pâtisserie, et surtout le gâteau au chocolat. En ce moment, je joue à FIFA et à Fortnite, je m'éclate, et j'adore faire du rameur. Sur le balcon, voilà comment j'occupe mes journées. Et je fais mes courses à Carrefour. Une couleur, le bleu nuit. Je fais les temps de pause de 10 à 5 minutes. Le pause le matin, pause l'après-midi, pause le soir, pause dans la nuit. À n'avoir que plus toi à l'horizon. Et te connaître de saison. Que par la douleur du parti. Si c'était un jeu, le mille bornes. Salut à tous mes amis, c'est Olivier Nakache. Je voulais vous adresser un petit message, un message de vous envoyer des forces, vous envoyer du courage pour surmonter cette période bien compliquée que nous vivons tous actuellement. Et moi j'ai qu'une hâte, c'est que ce confinement s'arrête pour pouvoir enfin aller assister à Surprise Party. J'ai vraiment hâte de voir à tous vos prestations. Qui à chaque fois m'enchante. Donc voilà, je vous envoie des gros bisous à tous, à Philippe, à Fabienne, à Guénolé, à Rudy, à tout le monde, à toute l'équipe de Turbulence et à vous, les Turbulents, vous me manquez. Donc dès que ce confinement est fini, on va passer vous voir avec Eric pour vous serrer dans nos bras parce que là, c'est trop difficile de plus vous voir. Voilà, bon courage à tous. Tenez bon, on va vite sortir tous ensemble de cette période. Je vous embrasse. Il y a des arbres. Ouais. Il y a les nuages et le soleil. Alors, je vais montrer, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. 8 arbres, voilà. Forêt de Bois de Boulogne. Ah, d'accord. T'es déjà allé au Bois de Boulogne hein? Pas du tout. Le poète a toujours raison. Qui voit plus haut que l'horizon. Et le futur est son royaume. Face à notre génération, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Un tissu, le coton. C'est moi qui dis, parce que c'est ma vie d'adulte. C'est fini, papa, maman, j'enregistre. Maman, je parle au dictaphone, maman. Au dictaphone? Oui. Bonjour, moi c'est Arnaud, je suis à la maison, tout se passe bien. Bonjour, chers turbulents. Et comme ça, je suis à la maison. Le blocage. Pourquoi le blocage existe? Quand une personne réfléchit beaucoup, ça lui arrive de ne pas pouvoir répondre aux questions des autres personnes. C'est comme une porte qui reste fermée. Il peut y avoir aussi un blocage quand on veut parler à une autre personne et que malheureusement, on n'y arrive pas car on pleure, on rit, on stresse, on est en colère, on est fatigué. Moi, ça m'arrive que je ne réponde pas à des questions car je réfléchis peut-être trop et qu'il n'y a aucune réponse qui sort. Quand je ne réponds pas, je suis triste et en colère car j'en ai marre de ne pas pouvoir répondre aux questions des autres personnes. Et vous? Est-ce que ça vous arrive d'avoir un blocage et que vous n'arrivez pas à communiquer avec les autres personnes? Auriez-vous une clé à me prêter pour que je puisse ouvrir ma porte? Si c'était un tableau, le confinement, pour moi, ce serait le cri d'Edouard Munch. Rudy, je t'aime. Appelle-moi. Ciao. Et si c'était une danse, le zouk pas collé, pas serré. Aimer à perdre la raison. Aimer à perdre la raison. Attention, ne bougeons plus. Un, deux, trois. Merci beaucoup. Restons positifs derrière nos masques avec ce mix de réflexions philosophiques proposé par Maître Bao et Monsieur Trop de la Chance. Je pratique de la batterie depuis bientôt 7 ans au conservatoire situé au Pré Saint-Gervais. De temps en temps, je m'échauffe pour quand même varier un peu les breaks, ainsi à savoir que je suis là pour pour travailler tous les jours. Une bonne nouvelle, c'est qu'à la batterie, des fois, il y a un quart de soupir, une noire, une blanche, une croche. Et ce que j'aime bien dans la batterie, c'est que je vais m'entraîner et je me dis que ça pourrait être pas mal que je m'entraîne chaque jour, surtout le soir ou l'après-midi. Elle était sur mon cou. Elle était sur mon cou. Et j'apprécie qu'elle vienne sur moi. J'apprécie qu'elle vienne sur moi. Et ça m'a détendu. Elle était sur ma main. Elle était sur ma main. Et j'ai bien aimé qu'elle me chatouille. Ça m'a relaxé. C'était une belle coccinelle. Elle faisait le tour de ma main comme si elle m'apprécie. L'insecte voulait sentir mon odeur. Ça me faisait sourire. Ça me faisait sourire. Je voulais pas qu'elle s'en aille. Je lui ai dit au revoir pour qu'elle prenne son envol. Comme pour prendre l'air. Ce qui est important, c'est que je n'ai pas envie de partir, pour cause de m'aimer. Car l'important, c'est aussi de me dire que je suis là pour être un vrai travailleur et être sûr de revenir tous les jours à Turbulence. Pour que chaque courage compte et une progression de chaque champion aussi comptera le plus dans ma vie. Le matin en été, j'ai le regard envers les robes féminines et les tenues vestimentaires. Il est important de s'habiller élégamment, comme Virginie chaque été, qui est heureuse, que je trouve élégante, ainsi qu'à savoir que c'est tous les ans que ça se passe comme ça. Car il faut respecter les vêtements des uns et des autres. Une chronique sur l'élégance est dédiée à un été qui n'est pas pareil qu'une chemise en hiver. Les gens qui n'aiment pas se laver, pour moi, j'ai la paresse de me laver le soir. Parce que j'oublie les méthodes, parce que j'oublie les consignes du lavage et ne suis pas toujours le respect des règles d'hygiène pour la douche, pour le respect de soi. Une douche agréable, une douche parfaite. Pour ne pas s'enrhumer, pour de l'eau tiède. Elle coule doucement et normalement. C'est rapide, ça nous nettoie vite. Pas besoin de méthode. Après, on se sent calme. Peut être dans le pré, comme l'amour, une chanson de John Jonathan, un nombre qui peut porter bonheur, par exemple. On peut dire aussi l'argent ne fait pas le bonheur de quelqu'un, comme Zaz l'évoque en 2010. Christophe Maé se demande où il est en 2016. On peut connaître les différentes orthographes, que ce soit masculin, ou se lever ou partir de bonheur. J'adore entendre l'eau couler. J'adore danser. J'adore J'adore dessiner avec des feutres. J'adore dessiner avec des feutres. J'adore nager dans la piscine. J'adore nager dans la piscine. J'adore marcher dans la montagne. J'adore marcher dans la montagne. J'adore être dans une baignoire. J'adore être dans une baignoire. J'adore marcher dans l'eau. J'adore marcher dans l'eau. J'adore être dans un lac, dans une douche, dans une salle de bain, dans une salle de sport. J'adore être dans un lac, dans une douche, dans une salle de sport. Dans une salle de bain. J'adore être dans une salle de bain. J'adore aller dans la piscine. J'adore aller dans la piscine. J'adore nager. J'adore nager. J'adore me détendre. J'adore me détendre. J'adore. J'adore. J'adore faire ma toilette tous les jours. J'adore faire ma toilette tous les jours. J'adore nager. J'adore voyager dans d'autres pays. J'adore voyager dans d'autres pays. J'adore aller au foyer turbulent. J'adore aller au foyer turbulence. J'adore faire du shopping dans les magasins. J'adore faire du shopping dans les magasins. J'adore aller à la Fnac. J'adore aller à la Fnac. J'adore acheter des jeux vidéo. J'adore acheter des jeux vidéo. J'adore aller le week-end dans une piscine. J'adore aller dans le week-end dans une piscine. J'adore aller à la piscine. J'adore aller à la piscine. J'adore aller dans des parcs. J'adore aller dans des parcs. J'adore les arbres, la nature. J'adore les arbres, la nature. J'adore marcher dans la nature. J'adore marcher dans la nature. J'adore marcher dans la nature. J'adore aller à la piscine. J'adore marcher dans la nature. J'adore marcher dans la nature. Ça aide à me rassurer. Ça aide à me rassurer. Et être bien dans ma peau. Et à être bien dans ma peau. J'adore être bien dans ma peau. J'adore être bien dans ma peau. J'adore entendre l'eau couler. J'adore entendre l'eau couler. Je rêve d'être dans un lieu sportif. Je rêve d'être dans un lieu sportif. J'adore les magazines dans un sportif. J'adore les magazines sportifs. Je rêve de jouer malgré la tempête. Je rêve de jouer malgré la tempête. J'adore être dans une salle de sport. J'adore être dans une salle de sport. Pour voir si on m'accepte d'être compétiteur. Pour voir si on m'accepte d'être compétiteur. J'adore être dans un lac. J'adore être dans un lac. J'adore nager dans l'eau. J'adore nager dans l'eau. J'adore entendre l'eau couler. J'adore entendre l'eau couler. J'adore entendre le bruit de la forêt. J'adore entendre le bruit de la forêt. J'adore nager dans la mer. J'adore nager dans la mer. J'adore marcher dans l'herbe. J'adore marcher dans l'herbe. J'adore marcher dans une vallée. J'adore marcher dans une vallée. J'adore. J'adore. J'adore. J'adore. J'adore. J'adore marcher dans l'herbe. J'adore marcher dans l'herbe. Marcher dans l'étonnement. J'adore marcher dans l'étonnement. J'adore être. J'adore être. Merci, Maître Bao et Monsieur Lachance, pour cet instant philosophique. Retrouvons nos deux journalistes sportifs, Setor et La Torpille, qui rendent hommage à la carrière de Maradona. Bonjour, bienvenue sur la radio Turbulonaire. Ici alias La Torpille qui vous présente une chronique sur Diego Maradona, le footballeur argentin qui est malheureusement décédé en novembre dernier, fin novembre de l'année 2020. Le 25 novembre, il est décédé à l'âge de 60 ans. Il est connu bien sûr pour avoir marqué son temps, son époque, un des plus grands footballeurs de l'histoire. Il a commencé sa carrière en Argentine, son pays d'origine. Il est argentin, où il a joué dans un petit club argentin, où il a commencé à taper au ballon. On voyait son essence technique, sa rapidité, son côté dribbleur, sa loupée, capable de faire des actions fantasses, incroyables, capable de bien sûr de dribbler plusieurs défenseurs et de marquer. Il a bien sûr après été dans un plus grand club argentin, à Boca Juniors. Où il a marqué l'histoire du club, où il a permis de gagner le titre de champion d'Argentine, de gagner des trophées, avant de bien sûr inévitablement traverser la Manche pour aller jouer en Europe, sur le vieux continent. C'était une continuité normale de sa carrière pour jouer les plus grandes compétitions européennes, où il a commencé à jouer au Barça, dans un des plus grands clubs espagnols en Catalogne, où il a joué pendant deux saisons, je crois. Il a joué pendant 2 ans au Barça, où il a bien sûr marqué des buts, était incroyable, et bien sûr... Et phénoménal. Après, bien sûr, après, il est parti en Italie, en Serie A, pour jouer au Napoli, où il a joué plusieurs saisons. Il a dû jouer 5 ou 6 saisons. Il a marqué ce club-là. Il est devenu une icône, une légende là-bas. On l'appelait le PB des Oros. Et bien sûr, il a marqué. Il était fantasme sur le terrain autant qu'à l'extérieur. Il est connu pour ses extravagances, ses côtés un peu, des fois, vulgaires, mal polis, un peu, capable du pire comme du meilleur sur un terrain, n'hésitant pas à montrer sa personnalité. Il était un fantasme, un original. Et bien sûr, il a marqué, il a permis de gagner un âme, de gagner le championnat, de gagner une Coupe d'Europe. Il a fait vraiment 6 saisons incroyables en Italie. Et après, bien sûr, il est parti d'Italie. Il a été joué après dans un autre club espagnol, à Séville. OSC Séville, où il est resté malheureusement qu'une saison, il n'est pas resté longtemps. Ça a été son dernier club européen avant de retourner dans son pays d'origine, de retourner au pays en Argentine, où il a joué dans un autre club argentin, les Osboys Argentine, où il a joué, je crois, 2 ou 3 saisons, et avant de finir, je crois, de retourner à la Boca, il me semble, pour finir sa carrière dans son club, où il a marqué l'histoire en Argentine, hein. C'était pas son club formateur, mais c'est un club où il a marqué un peu avant de finir sa carrière. Voilà, et je laisse mon ami Setor compléter cette chronique sur Diego Maradona. Effectivement, comme l'a dit mon collègue, Maradona c'est un très grand joueur, mais il avait aussi ses sauts d'humeur. Il n'était pas content, il râlait, il était orgueilleux et un peu hautain. Il avait une grande gueule à l'extérieur du terrain, mais un joueur formidable, un tripleur comme ce n'était pas parmi. Maradona était un événement, un monument sur le plan international. Cet homme qui savait tout faire, tripler, passer, faire des passes. Il était extravagant sur le terrain, il fallait voir, c'était un des milieux. Puis il y a une anecdote qui disait par rapport à ça, c'est qu'il a, je me souviens, il avait marqué un but de la main. On appelait ça la main de Dieu. C'était terrible, mais c'était vraiment formidable, quoi. C'était une légende vivante. D'ailleurs, on peut même le rien dire, c'est tellement que c'est un monument. Maradona a été pour tout le monde un grand footballeur. Il est mort à 60 ans. Il est né en 1960. Et celui qui a tenu le nom de son geste lorsqu'il a marqué un but de la main, il a aussi connu la Coupe du Monde face au Mexique en 86. Il a fait sa dernière apparition en Amérique pour la Coupe du Monde, mais il a été suspendu pour le dopage. Ça, c'est malheureux pour lui. Après sa carrière de footballeur, il est devenu l'entraîneur. Il a entraîné l'Argentine, un club mexicain. Il a été sélectionneur pour l'Argentine pendant 2 ans. Il a également été chroniqueur de télévision pour le foot argentin. Autrement dit, il a fait tout ça tout. C'était vraiment un footballeur formidable, mais qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur lui? Il avait un sacré radar, qu'il était hautain, qu'il était orgueilleux, mais il a vraiment aimé son pays. C'était une légende vivante. Dommage qu'il soit mort. Oui, il a marqué son temps. Il était caractériel, il était capable de du pire comme du meilleur. On a laissé au dehors du terrain après sa carrière. Après, il a une carrière d'entraîneur, ou bien sûr, il a entraîné l'Argentine pendant 2 ans. Il a entraîné un club mexicain. Et il a après été extravagant avec la drogue, la cocaïne, il a été dans les excès, il a eu plusieurs problèmes de santé, plusieurs hospitalisations. À sa fois, il a frôlé le pire, il a frôlé la mort. Et à sa fois, il s'en sortait, il arrivait à revenir. Il a été bien sûr chroniqueur à la télé argentine. On le voyait capable de, dans les tribunes d'un stade, quand il allait voir un match, de faire un bras d'honneur. Je m'en rappelle, c'était pendant un match de l'Argentine. Ça devait être, il était capable devant les écrans de télé de faire un bras d'honneur. Il était capable. Il avait aucune limite. Pour lui, ça paraissait normal. Pour lui, il faisait rien de mal. Il s'en foutait. Il faisait ce qui lui semblait bien, ce qui lui venait à l'idée. Voilà, il réfléchissait pas aux conséquences. C'était un personnage, voilà, c'est vrai qu'il n'était pas très grand pour un joueur, c'était pas sa qualité première d'être grand, il faisait dans les, je crois qu'il était à 1m65, 1m66, peut-être un peu plus. Il n'était pas grand par rapport aux footballeurs qu'en général qui sont un peu plus grands, il n'était pas grand, c'était pas sa qualité, mais il avait une essence technique, une qualité de dribble, il a bien sûr donné son nom à un geste très connu, la main de Dieu, la Coupe du Monde 86 au Mexique, où il a donné son nom à la main de Dieu, une Coupe du Monde qu'il a gagnée avec l'Argentine, avec la Bille Céleste, où il a marqué cette Coupe du Monde. Il a offert le deuxième titre de champion du monde à l'Argentine. Ça a été sacré en 1978 en Seychelles, en Argentine. Et il a marqué cette Coupe du Monde qui a été incroyable. Après, il a une autre Coupe du Monde en 90 en Italie où il a été finaliste. Malheureusement, il a raté la finale, une finale cronquée par les fautes, tout ça. C'était pas une super finale. Et en 94, il a fait cette dernière Coupe du Monde. Il en a fait 3 Coupes du Monde avec l'Argentine et où il a été suspendu pour dopage. Il avait pris des produits illicites. Il était capable de prendre des produits comme ça. Il était capable de ces sortes de trucs-là, de prendre ces produits-là, pour améliorer les performances, il n'est pas se rendre compte des conséquences que ça aurait pu avoir. Et ce jour-là, ça a eu des conséquences de l'exclusion de la sélection, de l'exclusion de la compétition. Et voilà, il est décédé. Hein. Il a fini par arriver au bout de sa life, comme on peut dire, au bout de sa vie. Et malheureusement, ça a été le coup final. Il a cette fois-ci pas pu s'en sortir, malheureusement. Voilà. C'était ici la torpille avec Setor. C'était sur la radio Turbulonaire. On espère que cette chronique sur Maradona vous a plu. On vous retrouve pour une autre chronique sportive sur un autre sujet, sur une autre chronique sur le sport. Voilà, merci, au revoir et à bientôt sur la radio Turbulonaire. Maintenant, nous laissons la parole à Abarako qui va vous présenter son projet radiophonique. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce que nous allons entendre concernant votre podcast ? Comment ça s'appelle ? Qu'est-ce que c'est ? Et d'où vous est venue l'idée ? Alors, ce que vous allez entendre, c'est un feuilleton robotique sur un personnage qui s'appelle Robby. Il est inspiré de Pinocchio et c'est une adaptation dans le futur. Et comment t'es venue l'idée de créer un feuilleton dans le futur de Pinocchio? Parce que j'adore jouer avec le temps. Ça veut dire c'est soit le passé, soit le futur, ou le présent. La mer était agitée, le vent soufflait très fort, les vagues commençaient à gonfler et des écumes se formèrent. Un homme en bas sur la plage disait: c'est un père qui s'est embarqué à la recherche de son fils. Mais la tempête se lève et il va sûrement se noyer. Enfin, Robby vit la petite barque de Paul au beau milieu des vagues. « Papa, je viens !» cria-t-il. « Je vais te sauver !» Puis, il se mit en mode water et il sauta dans les vagues et nagea en direction de la barque de Paul. Soudain, une énorme vague et brune surgit des flots derrière son père et submergea la barque. Et une immense forme sombre disparut dans l'eau. Le pauvre petit androïde était ballotté par les vagues, mais il ne voyait toujours pas Paul. Les vagues ramenèrent Robbie sur le rivage. Il sécha grâce à une nouvelle application. Il reprit ses esprits quand un petit phoque lui apparut. Qu'est-ce qui t'arrive, petit ? Je me suis jeté à la mer pour sauver mon père, qui était sur une barque à ma recherche. Oh, je suis navré de te le dire, mais pendant la tempête, et je l'ai bien vu, lui et sa barque ont été avalés par un énorme monstre marin de la famille de la baleine appelée la Baloria. J'ai bien peur que tu ne revois plus jamais ton père. Et le phoque disparut dans les flots. Le chagrin de Robbie fut immense. Il perdait son père, et il décida d'être raisonnable, comme Paul l'aurait souhaité pour avoir un jour son cœur. Comment tu as fait pour adapter un feuilleton à la radio ? Ben, en m'aidant de mes propres mots, et en essayant d'avoir des musiques assez proches, mais autres, à essayer le moins possible de remettre vraiment comme c'est, vraiment. Et même les textes sont modifiés. Et il peut y avoir des personnages qui peuvent se changer en femmes, ou d'autres en hommes, ou en d'autres animaux. Qu'est-ce que vous diriez de gagner beaucoup de pièces d'or ? Ah bien ! Et que devrons-nous faire ? C'est très simple, je recherche dans tous les coins les enfants méchants. Les enfants méchants ? Oui, tous ceux paresseux, désobéissants, gourmands, feignants, violents, bavards et menteurs. Oh ! Et je les emmène pour le parc des merveilles sur l'île de Comera. Très bien ! Rappelez-vous, chaque jeune amené vaut une pièce d'or. Maintenant, revenons au moment présent. Mon ami, vous avez besoin de vacances ! Dit Grand Filou en le pointant du doigt. De vacances ? Oui, un mois au Parc des Merveilles sur l'île de Comera. Avec un clin d'œil complice à Gaspard. C'est si merveilleux le Parc des Merveilles. Mais je peux pas y aller. À ce moment-là, les deux brigands commencèrent à froncer les sourcils. Mais Grand Filou eut encore une issue. Oh, mais c'est totalement gratuit. Je vous offre la place. Merci, mais... J'insiste. Votre bien d'abord. Venez, la navette part à minuit. Ceux qui prêtent la voix aux personnages sont en fait les chroniqueurs que vous entendrez pendant cette émission. Vous reconnaîtrez l'Asti Poète, vous reconnaîtrez sûrement Cétor ou encore le professeur. Il y a 6 épisodes. Mais vers minuit, Jen entendit des cris d'âne dans la grande réserve. Elle entra par un trou en haut et vit des ânes habillés, enfermés dans des caisses et d'autres dans des étables. Dépêchez-vous ! Secouez-vous ! Et plus vite que ça ! Les plus méchants d'entre eux se retrouvaient enfermés dans des caisses, prêts à travailler dans des mines d'or. Allez ! Un autre ! Des wagonnets étaient déjà tirés par des ânes. À ce moment-là, Jane comprit que les ânes étaient les enfants. Et elle courut chercher son Robbie à la salle de billard. Il n'était pas trop tard quand elle arriva dans la salle, mais pas pour la chiffre, qui était également devenue un âne. Puis ils réussissent à s'enfuir du parc des merveilles. Ils plongèrent dans la mer et regagnèrent la rive. C'est quelque chose qui me passionne parce que déjà je suis fasciné par le monde robotique et un peu la science-fiction et ce qu'il pourrait y avoir dans le futur. Et voilà. Tout de suite, une page de publicité décalée. Ne zappez pas, on revient. Red Bull donne des ailes, Red Bull donne mauvaise haleine. Son odeur de bonbon vous donnera la nausée, ses bulles vous donneront mal à la tête. Sucré de mauvaise qualité, Red Bull est votre boisson de l'été. Vous verrez, vous ne pourrez plus vous en passer. Excitation, énervement, colère, bagarre, maux de ventre, effet secondaire, Red Bull, le nouveau poison qui vous rend con. Tout de suite, nous écoutons la suite de notre chronique et ainsi la fin, réalisée pendant le confinement. Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui sur Turbulon Air pour le 14e podcast Hors les chapiteaux. Vous y retrouverez un moment télé-shopping avec Alexandar, une chanson interprétée par Arnaud, un souvenir de Russie par Fabienne, une histoire de sommeil avec Fantasio, une lecture de poème par Anaïs, le portrait chinois du confinement d'après Gilles, et je suis ravie de vous annoncer en exclusivité le premier tube des Châtelains Turbulents, parodie de foule sentimentale, découvrez Confinement Total. Bonne écoute à vous et à bientôt de vous entendre. Y a quelqu'un ? Non, y a personne. Ah bon ? Moi j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre. On va avoir le temps d'aimer justement. J'ai envie d'aller voir, de regarder, de m'offrir le temps de me taire. T'aimes pas notre vie ? Tu l'aimes toi notre vie ? C'est bon ça. Ça j'ai envie. Ça s'appelle la liberté. Un face à face, d'accord ? Oh, quelle histoire ! Mais moi tout seul. Un gâteau, ça serait une tarte aux cerises dans laquelle on a laissé consciemment un seul noyau. Du coup, on mange goulûment cette tarte, mais on sait qu'à tout moment, on peut se casser une dent sur le noyau. Un petit souvenir de nos voyages en Russie. En attendant nos prochains voyages. À très bientôt. Anthony, Anthony, reviens ici, petit crabe. Reviens ici que je l'attrape. Ici, mais qu'est-ce que tu vas aller en haut? C'est les humains, c'est la pagaille. Ici, la vue sous ma mère, c'est bien mieux que la vue sur terre, je te dis. Le ressort est toujours plus vert dans le marais d'à côté. Toi, t'aimerais bien vivre sur terre. Bonjour la calamité. Regarde bien le monde qui t'entoure, dans l'océan parfumé. On fait carnaval tous les jours, mieux tu pourras pas trouver. Sous l'océan, sous l'océan, sous l'océan, sous l'océan. Tout doux et bien, mais tout le monde est heureux. Sous l'océan, sous l'océan. Là où ils bossent toute la journée, esclavagés et prisonniers. Pendant qu'on plonge comme des éponges sous l'océan. Pool party chez nous. Amène ta propre piscine. Dessine-toi une face par en bas. On va faire fondre nos carapaces d'enfance qui peinent à s'écailler, en frappant dessus à coups de quilles de bud. Mets tes promesses dans ma tête pour que je devienne aveugle. Mets tes mains autour de mon cou pour que je voie plus clair. Je vais te parler en langage des signes jusqu'à ce que mes poignets saignent. Je vais enterrer mes mots sous le béton turquoise, mes faux ongles remplis de secrets. Poule partie chez nous. Amène ta face de scaphandre. On va voir qui de nous deux va se noyer le plus longtemps. Fille hashtag 37 de Marie Darcigny. Si le confinement était une musique, ça serait Blackwater de Timber Timbre. Oh, I need some sunshine. Si le confinement était un tissu, ça serait un sac de jute. Vraiment pratique, mais complètement irritant à porter. Si le confinement était une couleur, ça serait le vert d'une jeune pousse de papyrus. Si le confinement est un animal, ça serait le chouka, cet oiseau qui vit dans un milieu hostile, mais qui se laisse danser dans le vent. Si le confinement était un jeu, ça serait le Monopoly, un jeu qui dure toujours un peu trop longtemps. Si le confinement était un tableau, ça serait le cri d'Edouard Munch, qui symbolise l'homme moderne emporté par une crise d'angoisse existentielle. Si le confinement était une odeur, ça serait l'odeur du jasmin qui se trouve sur la butte bergère. Si le confinement était une danse, ça serait une valse lente. Si le confinement était un livre, ça serait les quatre accords Toltec. Si le confinement était une recette, ça serait la recette du chou-fleur entier rôti au four. Beurre, ail, jus de citron, coriandre. Une réconciliation immédiate entre l'enfant et le chou-fleur. Salut les gars, salut les turbulents et tous les autres. Ici Fantasio, je vous appelle cette fois pour vous expliquer comment faire pour bien dormir, si jamais il y en a qui n'arrivent pas. Eh bien, vous appelez une personne, vous téléphonez à quelqu'un, n'importe qui, que vous l'aimez pas, c'est pas grave, vous lui parlez deux minutes. Vous raccrochez, après vous appelez un autre, vous raccrochez, après vous appelez un autre, vous raccrochez, après vous appelez un autre, et vous vous arrangez que tous les gens que vous appelez, ça fasse une étoile au-dessus de vos têtes. C'est-à-dire, si vous appelez cinq personnes, ça fera une étoile à cinq branches au-dessus de vos têtes, évidemment invisible. Ceux qui vous diront, montre-moi ton étoile, vous haussez les épaules. Bien sûr, on est d'accord. Donc, vous parlez à ces cinq personnes, vous raccrochez, bon, à chaque fois, et au moment d'aller vous coucher, vous laissez les cinq personnes que vous avez appelées parler entre elles. Elles discutent entre elles, vous vous arrangez pour qu'ils se mettent d'accord, pour qu'il n'y ait pas d'embrouille, vous les laissez un peu causer, et après ça... le sommeil arrive en général très vite. Moi, je fais ça depuis quelques années, mais surtout sans m'en rendre compte. Donc, je sais pas si c'est un bon conseil, si c'est un truc qu'il faut faire exprès. Bon, voilà. Bon, je sais pas. Bon, la prochaine fois, je vous appelle pour une recette, ou pour une chanson, ou pour une théorie, ou un truc dans le genre. Je vous embrasse. Thank you. repas ? Non, j'ai pas amené mon repas. On va le cuisiner ici. On va en faire un court, monsieur. On sait déjà qu'on ne sera pas du tout dans cette... Et là, il est 9h. Je vais réveiller tout seul. Je vais vous demander tout seul mon lit. Ouvre la fenêtre. Je viens ici. Avant 8h. On fera pour lui dire la pastille. On pourrait fabriquer des petites mangeoires pour les oiseaux aussi. Ils sont là ? Ouais, regarde, ils viennent manger. Oh. T'as pris deux chanaris à la maison ? Ouais. Et toi ? Merci. Ce matin. Ce matin. Il est belle, mais ta chemise, elle est pite. C'est la poste ? Non, c'est pas la poste. Je sais pas ce que c'est. C'était... Je sais pas ce que c'est. T'as lavé ton linge ? Non, je suis pas allée à la laverie. Oh, merde. Deux fois, je t'ai dit, Annalise. J'ai oublié. Combien t'as ? 36,2. Moi aussi, j'ai... Oh, on est bien ici. J'ai plus de sous. Et avec ce flacon, vous avez remporté environ 80 mètres carrés. Une réputation qui n'est plus à faire pour le barrage. Voice, samedi, la finale. De The Voice. Ouais. Samedi, hein. La finale. Ouais. De téléshopping, et puisqu'il s'agit d'un top, et puisqu'il s'agit de l'anniversaire de Téléshop, il est à 30 fois plus facile que vous portez. Je peux raser les pieds, je peux me raser les pieds. On va à Avignon, on va faire un. Faut prendre des sous. Et là, France Gourmet ou quoi ? Comment ? Pour livrer. Il y a une livraison aujourd'hui ? C'est France. Attiré par les bains. de nos amis et familles, des amours sans nuages. On est triste et sans bavardage. On nous appelle les visions qui nous rappellent qu'on est ensemble malgré tout, malgré tout, pour toujours et ailleurs. Confinement total, on a soif d'espace, attiré par les bars, les plages, que des choses qui nous rapprochent. Attention, ne bougeons plus. 1, 2, 3. Merci beaucoup. Les ciseaux, vénéneux, ma peine, malin comme ma peine, idéal pour couper un homme, les lames aiguisées comme les lames du rasoir sont recouvertes d'une plante toxique qui laissera à chaque découpe une douleur atroce. Votre belle-mère vous ennuie, votre enfant joue trop aux jeux vidéo, votre voisin et sa perceuse à 8 heures du matin, votre mari regarde trop la télé, votre femme vous trompe, ayez le réflexe, sortez vos ciseaux. Malin comme ma peine. Merci de m'avoir écouté. Bienvenue à Rio. On va devoir connaître les terres de bidonville. Bonjour, vous êtes avec Maestro pour l'émission Globetrotter, un voyage au Brésil. Le Brésil entre montagne et océan. Un pays où la joie anime le quotidien. Je suis passé par Salvador de Bahia. C'est une ville démesurée. Il y a des paysages sublimes. Des rochers avec une avalanche de couleurs. Une mer d'un bleu très clair. Il y a une végétation faite d'arbres verdoyants. Pour visiter le Brésil, il faut du temps. Les voyages en bus vous permettront d'admirer les paysages aux mille couleurs. Vous pourrez également faire une halte dans une réserve de tortues où l'on voit des petites tortues et des grosses tortues auxquelles vous pourrez donner à manger. La nourriture au Brésil est très bonne, avec des haricots rouges et de la farine de manioc. Il y a un plat qui s'appelle la feijoada. Il y a beaucoup de très bons jus de fruits et aussi de l'eau de coco. Là-bas, on parle portugais brésilien. Oi meninas, estão andando na praia? Oi Vanessa, tudo bem? Muito bem. Tudo bem na praia de Ipanema? Sim. Yeah. Tá caminhando? Sim. Sim? No sol. E o rapaz está vendo muita gente para cá. E agora estamos na casa do turbulhão, na Paris. Mais cheia de graça, ela menina que vem, que passa num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado parece poema, é a coisa mais linda que eu já vi. Évidemment, le Brésil, c'est aussi toutes ces jolies filles que l'on voit sur les plages. But I watch her so sadly. Attention de ne pas perdre la tête. David, au Brésil, comment tu sentais le climat social, le climat politique et économique? Le Brésil est quand même un pays immersant économiquement ces dernières années, mais il y a quand même un écart entre les riches et les pauvres. On les voit dans les favelas, il y a beaucoup de gens qui vivent avec, c'est vraiment les classes, les pauvres, les ceux qui ont très peu de moyens, tout ça, et on voit un peu la pauvreté et les gens qui ont du mal à vivre correctement. Je ne sais pas comment ils vivent les Brésiliens, mais vu de l'extérieur, y a de moins en moins une séparation. C'est-à-dire des gens qui sont riches et des gens qui sont pauvres. Il y a moins une séparation. Ils vivent modestement, pas modestement, mais comment on dit le mot. Il y a la classe moyenne, voilà. Mais de mon point de vue, hein, je ne dis pas que j'ai raison, je pense que c'est en train de changer. Oui, le Brésil a une culture plutôt créée football, tout ça, ça se ressent dans les rues. Ils parlent beaucoup de football, vraiment c'est une religion là-bas, c'est vraiment quelque chose de fort qui est présent là-bas au Brésil. Quand ils aiment le foot, c'est comme une religion, hein, c'est vraiment comme en Italie, hein, c'est vraiment... Waouh, le foot, c'est... Aïe, aïe, aïe, c'est quelque chose de très important. Et puis, il y a aussi quelque chose aussi qui est vraiment culte. Ils ont un culte vraiment aussi du corps aussi. Ils ont vraiment un culte aussi de la religion aussi. Ça, c'est... Il y a beaucoup de gens religieux. Et parce qu'on voit beaucoup à la télé d'émissions religieuses à la télé. Et ça peut aller pendant... sur des chaînes, c'est 24 heures sur 24 qu'il y a des cultes religieux chrétiens. Comment t'as senti la différence avec la France au niveau de la culture? Au niveau de la culture, y a beaucoup de gens qui chantent des chansons populaires du Brésil dans les bars-restaurants. Ils chantent beaucoup de petites chansons, des trucs... Si ele não pode ser, diz-lhe numa prece que ele regresse, porque não posso mais sofrer. Vai minha tristeza desapareguei. Se ela não apaga uma beleza, c'est un pays tout à fait fascinant, même si je ne sais pas parler le brésilien ni l'anglais. J'aimerais savoir parler anglais, ça c'est un de mes grands regrets, de ne pas savoir parler en anglais, parce que j'aurais parlé avec eux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci, à très vite sur Radio Turbulent Air pour un prochain voyage. Thank you. au cours de notre balade, nos éducatrices ont perdu les chroniqueurs dans le bois de Boulogne. Nous ne savons plus où nous sommes, car le bois de Boulogne est un vrai labyrinthe. C'est ça. Et qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est le pavillon. T'arrives à lire, tu me lire comme une taupe. Et comme on dit quand on est dans un labyrinthe, cherchez la sortie. Nous avons les canards qui nous chantent des chansons, ce qui n'est pas mal non plus. Il est agréable à écouter d'ailleurs. Un merveilleux lac là qui est là. Formidable. Hein? Puis on respire l'air frais, voyez-vous. On est à Paris, mais on respire l'air. C'est très agréable, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur Neuilly d'ailleurs? Pas mal de choses, hein. C'est un joli, joli coin de paradis. Hein, vous voyez là, quand même, des plantes, des fleurs, une forêt vierge. Qu'est-ce qu'on pourrait dire quand même? Un petit château qui demeure. Un ancêtre du château du 15e siècle. Hein? 15e siècle. Voyez-vous ça? C'est vraiment formidable. Alors, là, nous allons ouvrir un peu le poids. Nous allons en profondeur du poids. Pour voir comment ça se passe. S'il y a un peu de la population. Oh, puis il y a du champ. Écoutez cette chanson. Un petit concert. Pas très loin. Hein? Vous entendez? Ouais. C'est à la fondation Goon Planet? Sûrement. C'est peut-être la fondation d'une planète. Ah, les oiseaux qui chantent. C'est pas mal non plus. Ça égaye une autre journée d'ailleurs. Hein? Ça va égayer une autre journée. C'est sympa. Ah, c'est sympa, hein. Ça fait du bien de... Et ça sent bon, en plus. Ça sent quoi? La nature. Les plantes. La rosée du matin. C'est un homme au goût du paradis. Et voilà, ça approche le concert, là, qui est pas loin. C'est la première fois que je viens ici au bois de Boulogne. Cette balade me plaît. Il y a un fleuve ici. J'entends le concert qui me vient à l'esprit. Et on n'est pas très loin du jardin d'acclimatation. Et même la Défense Arena où je suis allé voir Soprano et Patrick Boel il y a bientôt 2 ans de ça. Disons que le bois de Boulogne, je connais, mais je n'ai pas le souvenir d'être déjà venu ici. Par contre, le jardin d'acclimatation, ça je connais. D'autant plus qu'on a une vue magnifique ici. Ouais. Et le lac, le paysage, la musique, on entend. Voilà, je suis content. On est bien, ouais. Ouais. Ça, c'est... C'est la première fois que je viens ici, c'est bien, c'est assez humide, mais bon, après, ça fait du bien de changer d'air un petit peu. C'est peut-être humide, mais tout de même, il y a certains... Le paysage... Le paysage est beau, c'est voilà. Sympathique. Le soleil... Le voilà. Soleil timide. Soleil timide. C'est vrai que le ciel est gris quand même, non? Le soleil est très gris, mais bon, faut s'y faire un peu. Alors, on va où? C'est quoi le chemin qui te tente le plus, là? Moi, je partirai par là. Alors, on te suit. À l'aventure. Mais après... Évasion. Dépaysement. Culture. Plus vers... moi, j'ai fait vers La Rochelle, etc. Ouais. Bon, alors après, j'ai fait l'Espagne, effectivement. J'étais allée à... Je sais pas si tu connais Madrid, Barcelone, tout ce coin-là. J'avais fait tout ce coin-là. Et qu'est-ce qui t'a plu là-bas? La plage. Ouais. Bon, bah, moi, toi, t'es très plage. Ah, bah, moi, de toute façon... Tu voudrais pas nous raconter ton anecdote de la plage? Si j'ai pas la plage, je suis... Ah non, mais si j'ai pas la plage, moi, je... triste. Oui, alors c'était il y a quoi, il y a 3-4 ans maintenant de ça. Effectivement, c'était en Méditerranée, c'était en Méditerranée et une grosse vague m'avait soulevé. Non, mais alors, ce qui est rigolo, c'est que c'était la Méditerranée, donc c'est une mer qui c'est soit l'un soit l'autre. Ouais. C'est-à-dire soit elle est toute calme et tu nages, soit elle se déchaîne et tu te fais renverser. Et là, j'étais sur un coin où elle était déchaînée et je me suis fait, bien sûr, renverser le maillot de bain, enfin soulever le maillot de bain et les lunettes de plongée sont parties à 200 mètres devant. J'ai fait « Wouch !» Mais je... Ah non, parce que je n'y croyais pas, là, ouais, tu vois. Ouais. Non, j'ai dit, merde, t'es en train de te baigner tranquille. Et il faut qu'il t'arrive une tuile. Tu vois? Mais ça t'a pas empêché de retourner te baigner? Non, parce que le maillot de bain, bon, il était. Voilà. Et puis les lunettes étaient là, donc je me suis dit, bon, ça va, mais enfin, sur le coup. maintenant, j'en ris, mais sur le coup, je riais pas parce que j'ai dit, je trompe, hein? Que se passe-t-il là? Et quand t'es sur à la mer, toi, t'es plus à rester dans l'eau que sur la plage? Ah, mais moi, je suis dans l'eau, je nage, je... Ah oui. Je suis fini. Et Antoine, le nageur? Ouais. Toi, quand t'es à la mer, tu vois près de l'eau, tu fais que nager? Non, j'aime pas trop nager dans la mer. J'aime pas trop la mer à cause du sable, tout ça. Du sable. Ah oui, ok. Ouais, et du coup, c'est une sensation que j'aime pas, le contact avec ça. Ouais. Du coup, non, je nage qu'en piscine. La mer, ça m'arrive bien sûr des fois de me baigner, mais c'est assez rare. Mais j'aime pas nager dans l'eau de la mer, je suis plutôt piscine. Et les rivières, t'aimes bien ou pas? Les rivières, oui. Après, ça me met en rivière, oui. Si t'as fait du canoë ou du kayak en rivière ou... J'en ai même fait du kayak de mer, dans la mer, tout ça. C'est même l'été dernier, je l'ai fait en Bretagne, là, dans le Finistère. Ouais. J'ai été, voilà. Voilà, mais en rivière, ça peut être sympa. Après, voilà. C'est dur, non, le kayak de mer? Ouais, le kayak de mer, c'est dur. Après, c'est pas trop galéré que ça. C'est une fois que t'as le cru, que t'as compris que la technique, tout ça, ça met un peu de temps, mais... c'est pas non plus long à assimiler, mais il faut juste qu'on te montre. Après, on était avec quelqu'un qui connaissait, qui avait l'habitude d'en faire régulièrement. Ouais. Voilà, et du coup, c'est venu assez rapidement. Au début, c'était un peu les premières minutes, mais même pas la première, le temps de comprendre le coup, et après, c'était bien. J'en ai un beau souvenir. Visiter le monde, partir en vacances, le tour du monde, tourisme. Ah mais j'avais pas vu qu'il était aussi près. Mais ouais, il est à côté quoi. C'était un héron domestique. Enfin. Continue. Je pourrais dire. Je lève ses pieds, hein, monsieur Bordin, parce que je vais pas vous chercher à l'eau. Hein. Vous avez trouvé un truc? On a trouvé un énorme escargot. Ah oui, il est gros, hein? Je sais pas. Mais il y a un truc à l'intérieur? Ah ouais, il était dedans. Un gros escargot. On dirait des... Tu vas le manger? Avec de la mayo. Avec une petite persillade. Oh non, j'en ai tué un. Oh, oh regarde, il était là sous ma chaussure, je l'avais pas senti. C'était quoi? Oh non. Qu'est-ce que c'était? Un escargot. Je suis désolée. C'est pas terrible. Mon Dieu. Ouais, c'est bon. Oh Dieu. T'as pas fait exprès. Bah oui, mais quand même. Mais c'est pas grave. J'ai mal au ventre. J'ai envie de pleurer. Sagittaire en colère, attention. Oui, Sagittaire en colère. Des sagittaires en colère. Tu vas avoir un mauvais karma là. Mais non, t'as pas fait exprès. Attention, on marche. Hein. Bah c'est le château, les ruines. Les ruines. Comment on fait voir là? Vous avez vu les limaces? Ouais. Regarde. Elle fait de l'escalade. Et celle-là, elle est énorme. Ah, il y en a partout, regardez. J'adore les limaces. Qui a déjà mangé de l'ortie? Ah oui, ça peut faire. Ça pique ce truc, à moins qu'il fasse bouillir. Est-ce que ça pique pour enlever les... Mais quand tu te... Bon, quand tu te... On en a sur la langue du coup. Quand tu t'exploses. Quand tu fais pas attention ou que tu t'exploses, ouais. Ah là là là là. Bah alors, moi ce que je te propose, c'est que tu te mettes dedans pendant 3 heures, tu vas voir. Tu vas retenter les choses. Une soupe à l'ortie, c'est, du coup, c'est pour les invités qu'on n'aime pas, quoi. Alors, est-ce que... Alors, une soupe piquante. Est-ce que ça pique moins en soupe? Peut-être. Je crois que ça pique même pas. Et ça, monsieur, vous savez ce que c'est comme petit tas? Oui, on dirait de la menthe. Non, c'est pas de la menthe. C'est quoi comme petit tas? Vous reconnaissez pas les feuilles? On dirait des herbes. Trèfle, on dirait des trèfles. Non. C'est un bébé marronnier. Marronnier? Toi, t'as pas une anecdote qui t'est arrivée dans la forêt? Non, je crois pas. Tu vas souvent dans la forêt ou pas? Non, j'y vais pas souvent et ça me manque. Ouais. C'est bien. Ouais. Toi, t'habites sur Paris? J'habite dans ville, là. Ouais. En disant... Viens, tu vois un petit peu, on n'entend pas l'arbre. C'est pas toujours agréable. Non, mais ça parle pas. Bah, viens voir, ça se trouve, tu l'entends. C'est ça, oui. Qu'est-ce qu'on sait d'abord, que ça parle pas? Bien sûr. Bravo, kiwi. Bravo, kiwi. C'est vivant, quand même. C'est ça, oui, un arbre vivant. Bah, si tu c'est pas vivant, un arbre, ça pourrait pas avoir de feuilles. Tu me diras, Francis Ponge, je ne faisais pas, faisait tout parler, alors bon. Francis Ponge? Ouais. Donc pourquoi il ne faut pas parler des arbres, lui, mais... Qu'est-ce qu'il dirait, l'arbre, s'il parlait, tu crois? Je sais pas. Il dirait ce petit binoclard qui me foule les racines, là. Oh, qu'est-ce qu'il se fout de ma gueule? Il m'embête. Non mais en réalité ça parle pas un arbre. Hein. C'est au fin fond de la pensée, frère Bard. Attendez, Alexis peut peut-être nous inventer un haïku sur l'arbre qui parle. Non. Si tu devais écrire un petit poème, tu dirais quoi sur cet arbre? Qui vieillit, qui perd ses feuilles, qui... Qui vieillit, qui perd ses feuilles. Qui grandit, qui... Un arbre, ça vit 200 ans, je crois, c'est, en gros, c'est ça, non? Vous avez déjà levé vos yeux, là? Regardez, la lumière qui passe à travers les branches. Lève ta tête un peu. Il y a un petit escargot qui monte. On a surpris. C'est un alpiniste. Alors, pas vieux. Je pensais pas que ça montait si haut non plus. Ah ouais. Il est au moins à combien là? 3 mètres. Il est au moins à... Moi je ne pas à ça, je pense. De mètres. Moi je pensais plus à... Oui, alors trajet, déplacement, oui. Moi je pensais plus à évasion, changement. Voyage. C'est les voyageurs périple. De l'immobilier. Oui, périple, tout à fait. Tout à fait. Très bien vu. Il y avait sortir de chez soi, tout simplement. Oui, c'est ça, c'est culture même. Découverte. Oui, façon de se cultiver, oui, de découvrir, oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. Oui, ben voyage, c'est ça. Voyage, oui, faire des... voir des personnes nouvelles même. Oui, voilà. Voyage, c'est quand même très large. Nous sommes de nouveau en direct de la fonderie. Et on va se reconnecter avec Turbulonaire. Vous nous entendez pas? Ah, si. Vous nous entendez là? Oui, oui. J'étais en train de dire qu'on vient d'écouter donc les 2 heures de travaux que vous avez fait pour les Rencontres Encore Heureux et qu'on était en connexion avec vous depuis la fonderie, donc dans le grand hall de la fonderie. Tout à l'heure, vous disiez que certains d'entre vous le connaissaient. Et vous, vous êtes, comme on le disait aussi tout à l'heure, dans l'un des espaces de l'atelier radio Turbulonaire. C'est ça, exactement. Voilà. C'est exactement ça. Bah, d'abord, merci pour ces 2 heures d'émission. Et oui, ça fait 2 heures, je vois par le petit logiciel que le professeur regarde sa montre, ça fait effectivement 2 heures. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit... Comment, pardon, Tu regardes mes amants, devrais-je dire. Le fantôme de ma pomme. Entendez-le aussi parler, mais j'ai la nuit. Je crois que tu nous posais une question. Non, bah, je trouvais pour ceux qui nous écoutent, c'était chouette de nous dire un petit peu de quoi a été composé tout ce long montage et comment vous avez travaillé. Comment vous raconteriez un peu ce travail? Moi je pense que c'est un travail de longue haleine, hein. Bah, là le travail qu'on a fait pour l'émission d'aujourd'hui, on l'a fait sur plusieurs séances. On a fait des journées entières de web radio. On a fait 2 séances au mois de mai de mardi, dont une où on avait été au parc Boulogne là, pour faire la forêt de Boulogne pour faire cette journée. Bois de Boulogne, on a filmé les sons, les paysages, les bruits d'oiseaux, tout ça, où on a aussi raconté des anecdotes. Une autre journée au mois de mai, on a fait une autre journée aussi début mai, on a fait 3 journées entières, de le mardi et le vendredi, pour préparer l'émission, pour sélectionner les podcasts, les différentes chroniques des chroniqueurs. Et on a sélectionné aussi dans les chroniques qu'on a fait pendant le premier confinement, là, dans les chapiteaux, là, on a sélectionné quelques-unes. On n'a pas pu tout sélectionner parce qu'il y en avait énormément qu'on a fait pendant tout le premier confinement, qui a duré 2 mois et demi, pratiquement 3 mois. Alors, du coup, il y en avait pas mal qui ont été faits parce qu'il y en avait tous les jours des trucs qui étaient. Du coup, on a sélectionné ça. On a sélectionné les trucs, les différentes émissions, pop, différentes chroniques, émissions qu'on a fait. On a fait sur l'instant sport, sur les chroniques. Sur le voyage aussi, une chronique sur le voyage, sur aussi les récros aussi, sur les chômages, sur les personnes décédées aussi qui ont été faits, sur les chroniques sur le rooftop aussi. Les hommages et les famages. Ouais, c'est ça, et sur sur l'horoscope aussi sur les chroniques sur la poésie aussi, sur les chroniques sur la poésie philosophique, chroniques aussi sur les instants de la vie aussi qui ont été faits par un chroniqueur qui sont vachement, voilà, le truc de la coccinelle, le truc vachement poétique, c'était vraiment, c'est un truc qui s'est fait vraiment à l'improviste, c'était pas le truc, c'était, il a fait ça et ça a été enregistré, c'est quelque chose qui a donné un truc vachement fort, hein, une matière très intéressante. Enfin, c'est tout un ensemble de choses pour faire un medley, pour réunir tout ça. Et on a tout réuni, on a tout mélancé, comme dans la cuisine on dit, pour faire quelque chose de cohérent, voilà, pendant 2 heures là. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, là-bas, mais on aurait pu on pouvait pas tout prendre parce qu'il y a vraiment beaucoup de matière, on n'aurait pas fait tout parce que ça aurait duré, je sais pas, ça aurait duré des heures et des heures, une semaine, un mois, ça aurait duré toutes les années qu'on a, même les premières années aussi, il y avait pas mal de trucs, même à l'instant sport, il y aurait pas mal de chroniques. Là, on en a fait une récemment, là, sur l'Euro de foot qui commence d'ailleurs aujourd'hui, c'est marrant. Ce soir, on l'a fait, bon, pour le présenter la compétition, tout ça, bah, ça, on l'a fait récemment, on pouvait pas le mettre parce que c'est un truc, quoi, c'est la dernière chronique sur le sport qu'on a fait. On se pense à tout aussi sur le sport, parce que je parle, parce que c'est moi qui fais ça avec... Ouais, c'est avec un duo. Ouais, avec Otto, avec Chetor, sur l'instance. On l'a fait aussi sur, je me rappelle, sur la Coupe du Monde de rugby au Japon, qui a eu lieu il y a 200 maintenant. Mmh, voilà, ça. Mais aussi, il y a les sautes aussi, sur les chroniques aussi, sur les chômages qui sont vachement, qui ont été faits. Il y a plein de choses, voilà. Ouais, d'ailleurs, quand on regarde votre site où on peut vous écouter, hein, c'est sur le site Sous les Chapiteaux, dans la catégorie radio, il y a effectivement un peu tout ce que tu disais en dehors de ces sorties que vous avez faites, comme celle dont vous parliez au Bois de Boulogne, où on a entendu les arbres, voilà, les sorties qui ont été occasionnées par cette commande. Ce don que vous nous avez fait, mais on peut écouter effectivement à la fois des chroniques, il y a des mini-séries et puis toutes ces archives que vous avez réutilisées aussi et dont certaines étaient pendant le confinement, notamment sous le nom Hors les Chapiteaux. C'est ça, exactement. Ah, c'est la femme. D'accord. Les transports pour la fin de la journée de travail. Voilà, alors du coup, effectivement, l'atelier radio, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Attendez, Jean-Baptiste. Ouais. C'est les navettes qui arrivent à Porte de Champéret pour la fin de semaine. Porte d'Anières, exactement. Champéret pour... Voilà. Mais en effet, là, il y avait une sélection quand même où on a pu montrer, je pense, des podcasts personnels de vraiment chaque chroniqueur. Plus les podcasts qui ont été faits pendant le confinement, et ça aussi c'était vraiment des participations de chaque membre de l'équipe, de chaque travailleur ESA, de chaque apprenti de la SAS. Vraiment chacun participait au jour le jour pour créer ces podcasts, et on a vraiment gardé le lien par la radio, quoi. Oui. Comme l'ont fait beaucoup d'ateliers radio qui étaient un peu inscrits, qui avaient un peu de qui existaient déjà, certains qu'on va recevoir aussi pendant les rencontres, comme Radio Tisto, on réussit à faire de la radio pendant avec les moyens du bord pour garder contact par la radio. On en a parlé aussi dans les émissions des deux et trois derniers jours. Voilà. Ouais. Et donc du coup, oui. Non, j'avais demandé aux chroniqueurs ce que ça leur avait fait, peut-être parce que c'est la première fois, nous, qu'on est diffusé comme ça sur un festival et qu'on est diffusé ailleurs que sur notre site internet. Tout à fait. Donc je me demandais ce que ça avait fait aux chroniqueurs d'entendre comme ça leur émission et puis diffuser comme ça tous ces petits podcasts les uns à la suite des autres aussi, comme ensemble, c'est la première fois, voilà, c'est ça. Non, c'est pour ma part, pour ma part, ça, ouais, c'est très valorisant d'avoir pu diffuser comme ça, d'avoir pu être écouté par des personnes extérieures, voilà, pour les personnes qui ont suivi cette émission aujourd'hui, voilà, d'avoir pu montrer cet ensemble qui est représentatif aussi du travail qu'on a fait aussi. Il y a plein de choses, mais c'est un peu représentatif des différentes chroniques qu'on peut faire à la radio. C'est intéressant de pouvoir faire ce projet-là, voilà, c'est intéressant d'avoir pu travailler sur ça, c'est un début, ça permet d'avoir des objectifs à court terme, parce qu'il fallait vite produire. Ben, on avait déjà la matière, mais il fallait voir qu'est-ce qu'on sélectionne, qu'est-ce qu'on garde pas, voilà, il y a tout un travail. Hein. Oui, il y a un travail, quand on s'est vu l'autre fois, on parlait de, comme vous travaillez souvent aussi par chronique, que là c'était comme quelque chose qui avait, quand on fait une émission, qui était comme aussi quelque chose de collectivement écrit, d'écrit collectivement, même si c'est composé de plein de choses que certains d'entre vous ont fait. C'est ça. Alors après, là, c'est particulier parce qu'on a choisi des chroniques aussi personnelles pour faire un ensemble collectif. Mais au sein de cette web radio, on fait aussi beaucoup de débats. On a des temps de débats qui sont en ligne aussi sur le site de la radio. Et on a aussi des temps bout de vie, où tous ensemble, où on fait des interviews. Voilà. C'est ce que dit effectivement, et c'était ce que je voulais préciser, c'est vrai que c'est effectivement la valorisation de notre boulot. Alors c'est sûr que la première étape, c'est d'écrire les chroniques, de pouvoir les dire sans trop hésiter, etc. Mais ensuite, de les enregistrer et de pouvoir les diffuser. Je crois que diffuser, c'est l'étape ultime du travail. Ben oui. On est d'accord là-dessus, professeur. Là, je suis d'accord avec toi, mon cher ami. C'est comme quand un professionnel sportif, il s'entraîne pendant quelque temps, qu'il est en match et qu'il gagne son match, je veux dire, c'est le Graal. Bon, et puis là, on est placé pour en parler, parce que à partir d'aujourd'hui, excuse-moi, mais chef, voilà quoi. Ah, je sais. Hein ? Bon, je sais, je suis au courant aussi. Hein ? Il y a tout le pays qui va jouer. Ah oui, alors là, il va y en avoir des chroniques sportives. Le pays de Thomas va sûrement croquer. Mais quoi, ah, ton pays va choisir. Quand aujourd'hui, on avait la visite de l'ESAT Marsoulan, donc et de l'émission Radio ESAT La Quotidienne, qui sont passés 2 heures, 3 heures à la fonderie. Et effectivement, il y a également un chroniqueur sportif, Yvan, et qui était très impatient de la première soirée ce soir, je crois. Oui, c'est ça, il nous disait Italie-Turquie. Et il était très pressé d'arriver et de voir le match. Oh, mais de toute façon, les Italiens vont croquer les Turcs, 3-0. Ah, les paris sont lancés. Les spaghettis à la bolognaise, c'est pour quoi? C'est pour les Turcs, ça. C'est spaghettis à la bolognaise. Alors, compléter un peu sur la fabrique aussi, la manière dont vous travaillez. Du coup, quand je suis venu la dernière fois, on a un peu parlé de là où vous en étiez, et puis j'ai vu un peu comment vous travaillez, et c'est aussi assez intéressant à voir. Chacun a ses cahiers, il y a beaucoup en fait d'écriture, il y a des temps pas seulement d'enregistrement, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est aussi dire les chroniques, mais d'abord les écrire, il y a tout un travail de préparation qui fait vraiment atelier d'écriture. Et je trouvais intéressant de voir que, vous me dites si je me trompe, mais c'est comme s'il y avait aussi un lien à l'ESAT Chapiteau Turbulent entre les ateliers d'écriture et la radio. Et est-ce que vous pouvez nous dire comment elle est née? Est-ce qu'elle n'est pas un peu née aussi d'une pratique d'écriture dans les lieux? Vas-y, Thomas. En fait, elle est née en été 2000. Je vais un peu me rapprocher un peu. Allez-y. Du micro pour qu'on puisse être entendu. Ok, d'accord. Mais c'est juste pour que on vous ait entendu aussi, avec, malgré le masque. Donc, ça existe depuis l'été 2016. Donc, voilà, ça fait plus ou moins 4 ans ça existe. Et puis, c'était vu et revu. Bien. Ok, toi. Allez, ok. Allez. Thomas. Des personnes extérieures à l'atelier qui viennent nous dire. Ouais, par la fenêtre, car c'est 4 heures et c'est la fin de la journée de travail. Mais ça fait, ça fait 4 ans que. Ça fait bientôt 5 ans que l'atelier existe. Ça fait depuis l'été 2016. Donc, c'était une des anciennes éducatrices de l'ESAT qui est aujourd'hui partie désormais. Qu'il a initié. Rouen, après, il y a Sophie Royen, merci. Parfait. Et. Il y a plein de formations de je ne sais pas quoi, dans lesquelles... C'était Radio Déclic. Ouais. Et puis, il y a une équipe, il y en a qui sont restés, il y en a qui sont partis, aussi dans les deux chroniqueurs, parce que c'était... Voilà, donc ouais. C'était... C'est vrai que globalement, on a l'équipe des chroniqueurs, c'est la personne qui constitue quasiment l'atelier de Maison des Écrivains. Oui, quasiment tous. Voilà. Et avant, c'était Turbulil. En effet, c'est des personnes qui ont l'habitude d'écrire. Et on est tous, mais on y est tous. Des cultures qui font partie de l'atelier. Quasiment tous. Oui, tu dis, on t'entend pas bien, Maya, parce que t'es plus loin du micro. Tu disais, Maya. Je disais en effet, tous les chroniqueurs de la web radio font également, quasiment tous, sauf Alain, mais qui lui, du coup, a aussi des atouts forts en montage de chroniques. Mais tous les autres font partie de l'atelier d'écriture qui se tient tous les vendredis matin à Turbulence. Donc, en effet, c'est une pratique dont ils ont l'habitude. Et je pense que c'est pas pour rien si c'est le même groupe sur ces deux ateliers. Oui, je vous dis ça parce qu'il y a plusieurs pratiques finalement d'ateliers radio dans des lieux. Et souvent, il y a cette pratique de faire du direct, ce qui n'est pas votre cas. Ce qui n'est pas aussi le cas, si vous avez le temps d'écouter lundi, de la web radio qui vient aussi, qui va aussi diffuser des choses pour les rencontres encore heureux. Eux, ils ont un blog, un peu comme vous, un site, mais c'est plutôt des objets, des entretiens, etc. Mais il n'y a pas cette pratique du direct, et il y a aussi des choses qui passent par le direct. Et par exemple, Bruit de Couloir, eux, en revanche, qui viendront aussi lundi, pratiquent plus les plateaux, même s'il y a des choses qui sont préparées. Et donc, c'est pour ça que je vous posais la question. Et il y a ce lien, en tout cas, dans l'atelier Turbulonaire avec l'écriture. C'est aussi ce que je voulais souligner, que vous vous racontiez un peu. Je voudrais souligner quelque chose. C'est que les chroniques... en fait, vont parfaitement, les chroniques vont parfaitement avec... Ou les podcasts. Ou les podcasts, merci, avec la personnalité de la personne. Par exemple, les jeux de mots que fait Mathias, je vois pas, c'est comme ça, les fausses pubs que fait Mathias, ça va parfaitement avec sa personnalité parce que on suggère quelque chose, soit la personne accepte ou n'accepte pas, mais ça permet aussi de voir aussi l'univers de la personne en fait dans son ensemble. Soit des parties ou une partie de leur personnalité. Oui, un peu comme l'écriture finalement est aussi une trace très personnelle. Voilà. Qu'on retrouve dans la radio. Alors, nous allons devoir bientôt nous quitter aussi parce que il est 16h pile depuis exactement 10 secondes. Et je crois que c'est la fin de la journée, puisque l'atelier radio, c'est aussi la fin de la semaine à l'ESAT. C'est ça. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit ? Ah oui, ce que je disais, moi, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose qui est une trace très personnelle dans la logique des chroniques et qui aussi est dans la logique de l'écriture. Et de la. Par exemple, moi, mes podcasts, voilà, exactement. Podcast. Moi, je dis mal, mais bon, c'est pas grave. Je parle de mes voyages parce que je voyage beaucoup en général et je fais des chroniques. Et ça, c'est parti intégrant un de mes univers de vie, en fait. C'est ça. Les chroniques, moi, Globetrotter, si je ne me trompe pas. Moi, Globetrotter. C'est ça, vous avez compris. Je vais ajouter juste avant de finir que aussi ce qui est un peu particulier, nous, c'est qu'on a trois personnes qui s'occupent de faire du montage ici. Oui, tu fais bien de rajouter. Et ensuite, c'est pas monté par quelqu'un d'extérieur à l'atelier, donc c'est vraiment Abaraco, Geeker et Lasty Poète qui s'occupent du montage de nos podcasts et qui ont participé au montage de l'émission que vous avez entendue aujourd'hui également. En effet, c'est très rare de trouver ce temps au sein d'un atelier. Je voulais remercier un peu tout le monde, beaucoup tout le monde. À savoir Abaraco, Geeker, Lasty Poète, le Déambulateur, la Torpille, le Professeur Maestro, Maître Bao, Monsieur Trop de la Chance, Mentalix. Et c'est tort, et puis souligner effectivement que Lasty Poète, comme tu disais, Abaraco et Geeker font aussi du montage et ont participé aussi pour ces deux heures d'émission. Si vous êtes d'accord, on va passer, une chanson de l'album Cosmic Brain pour terminer cette journée. Et je voulais aussi remercier Maya et Anaïs, et ainsi que Pinod, sur laquelle on était en direct pendant cette journée depuis 11h ce matin. Et vous dire que peut-être on se rendra visite de nouveau, et en tout cas, si vous êtes d'accord, on peut rediffuser ces deux heures dans la semaine qui vient pour que d'autres personnes puissent entendre votre travail. Mais on a le temps d'y réfléchir, hein, si vous voulez qu'on en reparle, on se rappelle pour ça. Vous seriez d'accord ? Oui, on n'est pas contre ça. Hein. On voudrait le faire bien volontiers avec vous. Ok, merci alors. Ouais. Merci. Et merci beaucoup surtout Jean-Baptiste, et merci beaucoup. Et encore. Merci. Et bon week-end. Quelqu'un peut me dire ce qui se passe ? Pas de panique, les gars. Tout va très bien. C'est bientôt fini. Gearserg. Squelette ballon. Pas mal, hein ? C'est ce qui s'appelle un bras de géant. Rassissez-vous, Anjo. Éliminez les feux à volonté. Chef, il y a un problème, regarde. Nos armes, ça, c'est pas vrai. Comment est-ce qu'il fait ça? Ça? C'est pas la question que vous devez vous poser. Qu'est-ce qui m'arrive? Eh, hey, c'est mes jambes, je les reconnais. Et celle-là, il est à qui alors? En direct à un bus central, j'y peux rien. Gomme, giga de pistole. Prenez ça dans vos tronches. Eh ben, ils ont bien morflé. Sidéant, je n'en crois pas mes yeux. En avant, les gars. Ouais, capitaine. Bound to make you sick, oh baby you. Well, I'd like to spend another baby, how to learn silence with you. If you still don't say hello, if you don't say goodbye, that means that this trick, oh baby. Well, I'd like to spend all night, baby, how to learn silence with you. Le camion bleu démarre. Plus! Y a plus de batterie! Il n'y a plus de suie glace. Il n'y a plus de levier de vie neige. Il n'y a plus de pneus. Il n'y a plus de phare. Il n'y a plus d'anti-brouillard. Il n'y a plus de clignotant. Il n'y a plus de marche-pied. Il n'y a plus d'autoradio. Il n'y a plus de cendrier. Il n'y a plus de blouse blanche. Il n'y a plus de plaque 300, il n'y a plus 936, il n'y a plus de WY, il n'y a plus rien. Elle est pétée, le carreau est cassé. Il n'y a plus les vides, il n'y a plus de boîte à gants. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'antenne de télé. C'est de la merde, il reste à faire un neuf. Il y a la batterie est pétée. Elle est niquée. Greg va jamais le réparer. Il vient de la Belgique.